su alegría. Mon bel oiseau, ne m'abandonne pas. Emporte-moi, guide-moi, mène-moi vers mon bonheur. mabobada da u koro yite ni mwenye kwama ni mabobada abia nyopote sarama onye rabi yo kuwaraku makujiri wana wana versa masikere go abia nyopote sarama onye rabi yo kuwaraku makujiri wana wana versa masikere go. Le mende sabwa, le mende bunda, ta odie, le de, ta odi, le de, ta bote wale a tom tom, o kiri kiri, soba alia. We'll be right back.

We'll be right back. Okay.

amende bonjula moi badu amo bao amende bonjula moi badu amo I demand my way I do.

chauffer. Change. Et attention, terre à terre.

ambassadeur de la musique noire. Des bons moments ensemble en Hawaï. Aïe, aïe, aïe, quelle lésion. Plein de jalousie, il peut pas supporter le succès des Yeah. Oh, Thank you. L'ignorance, il démontre sa foi. Ah. Thank you.